J'suis de l'agent, appelle-moi Mowgli. J'ai le seum, j'ai pas le semi. J'étais jeune, j'coupais un demi. Pas d'amis, j'étais comme Rémi. Dans 9-4 ou bien un Péris. Dans mon zoo, tu connais la patata. Tu vois la haine dans le carré VIP. Viens tester que j'te hagagagaga. Les légendes dans ton TK. On vend, on te croise, on tire dessus. T'es mon ennemi des bars. J't'incendie, j't'éteins, j'te pisse dessus. Les yeux rouges dans la ville. J'rabats tous les junkies comme un démon, ta vie. J'te chlasse et j'repars comme Chucky ce soir avec une brune. J'la ken, j'oublie et j'pète une blonde, ouais, j'navigue dans la brume. Sa mère la pute, j'suis pire qu'une bombe, j'me fais péter des 4. Des 5, des 2, j'connais le bâtiment, au fait, suce-moi, sale chien. J'vais ton balai au coup de ton châtiment, façon, on va prendre perpète. C'est ça de ne pas être un mouton, le week-end, j'fais pas la fête. J'parle à Dieu, j'appuie sur le bouton, j'ai envie de me sentir libre. Aujourd'hui, j'poserai torse nu, la rage comme en Palestine. Et vu que les plus forts mangent le plus, genre le gala gala. Bélé, connard, on te kakaka, sunga, wa wa wa wa. Baisse la fonce dans la kakaka, Vico, aucun orgasme. À part chez toutes ces tasses qui bougent, à l'âge joué à FIFA. J'm'en sortais en coupant des douze, sur pas la vie de ta mère. Tu crois m'aimer, laisse faire le temps, la vie a un goût amer. J'la sucre avec une paire de gants, j'dis à papa, pas le choix. Façon peut-être qu'on nous a maudits, j'viens faire spectacle, va toi. J'leur chante ma haine, ils applaudissent, Igo, j'vise tellement le but. Depuis tout petit, j'suis un campeur, j'attends toujours la passe. Et j'souris comme Christophe Lambert, j'répète à ses beurettes. Que la street ne fait pas de Thomas, j'ai fait million de barrettes. Million de vues, j'connais pas connard, j'sors pas le cross volé. D'où t'as vu que ça faisait du pif, au Pontchart, tu connais. J'la vends pour nourrir la mif, hardcore depuis le départ. C'est pas le faux codeur qui me rend plus temps, j'roule un pilon très tard. Seul le vent qui bat les maçantes, va quoi, tu croyais quoi. Que j'rapperais, que j'serais la la la, j't'encule, j'suis pas gangsta. J'laisse ça assez la la la, j'appelle-moi à des rails. Madine tes aides, gros, j'veux ma paye, Igo, voilà, c'est laid. Comme une michto, quitte michto, la taille, Igo, sans les chicots. Ici, on te ramène rien à ton bec, hein. À la fin, comme Rico, ça s'encule pour avoir le chèque, hein. Dans le frigo, c'est sec, hein. Merlis, j'le dessert au petit frère. TMC, hashtag fake, hein. Nous, tu prieras pour qu'on nous libère. Gros, le rap, ça me plaît pas. Je fais parce qu'il y a peut-être un billet. Un charbon comme un autre, tu manges, tu tirais, t'es oublié. Igo, j'te raconte la haie, sans cellule, un stick dans de la gauloise. La criche, l'encule, la sec, comme j't'encule. Si tu me dois une ardoise, avoue qu'y'a rien à voir. Que l'avenir tu veux pas y penser. Parce qu'ici c'est noir et qui plisse nous. Fais tous danser, fais pas le thug avec nous. Voilà qu'on te visera pas les genoux. Pas besoin d'être un milliard, on s'en fout que tu vois ou pas les genoux. Igo, j'sens mon cul du rinté. J'suis pas un rappeur sans vocodeur, j'suis claqué. J'fume une niax avant deux épaules. Lias de Teco. Ligo, j'sens mon cul du rinté. J'suis pas un rappeur sans vocodeur, j'suis claqué. J'fume une niax avant deux épaules.